Maxi Sud. Alain David, je suis le président du club de randonnée de Rieu-Pérou et du Ségala, Los Passejai. Et nous organisons dimanche 4 mai 2025 une compétition de randonnée. Et c'est co-organisé avec le comité départemental de la randonnée pédestre. Et ce qui est amusant dans ce genre de manifestation, c'est quand on dit compétition, c'est pas le premier arrivé qui gagne. Des fois, le premier arrivé se retrouve dernier parce qu'il a fait des erreurs. Donc, il faut faire le temps qu'on avait prévu. Il faut passer aux endroits qui étaient prévus. Il faut répondre à des questions. Et il faut arriver ni en avance, ni en retard. Et c'est assez amusant parce que les autres années, il y a des fois des équipes, une maman avec 3 gamins qui sont arrivés premiers. Voilà. Donc en fait, c'est pas une compétition de lapins. C'est un peu plus rigolo, un peu plus intellectuel. Et c'est très amusant, en fait. Alors, d'un point de vue plus général, ces compétitions de Rando Challenge, là, on n'aura que 2 versions. Une version découverte, ouverte à tout le monde. Une version expert qui est ouverte à des gens, je crois, licenciés, mais qui ont une sacrée expérience parce qu'ils n'ont que la carte avec le tracé dessus. C'est pas balisé, donc ils peuvent se perdre allègrement dans la campagne. Et il y a encore une troisième version, mais qui n'est pas là cette fois-ci, qui est la version labellisée et qui sert à faire des compétitions nationales. Enfin régionale, nationale et européenne. Et là, il y a des clubs qui sont tout à fait spécialisés là-dedans, avec des entraîneurs complètement dédiés au Rando Challenge, c'est-à-dire de la lecture de cartes très rapide, parce qu'il faut qu'ils aillent quand même assez vite dans cette catégorie-là. Et là, on arrive chez les pros, on va dire. C'est un peu l'équivalent du trail, mais il faut répondre à des questions, mais c'est pas balisé, et ainsi de suite. Donc nous, on n'a pas ça, on a les 2 autres catégories, et la catégorie découverte est assez amusante parce qu'on peut venir vraiment en famille, et on a toutes ses chances, et c'est ça qui est sympa. Voilà. Le comité départemental, qui est très actif et très soutenu par le conseil départemental, aime bien organiser ça tous les ans, et la difficulté, c'est de trouver un club co-organisateur, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Là, aujourd'hui, on est, je crois, 45 bénévoles du club, plus 8 personnes du comité. Donc, c'est quand même une grosse organisation, on va dire. Et donc, le comité a absolument besoin d'avoir un club pour le co-organiser. Voilà. Et puis, choisir les randonnées, parce qu'il faut des randonnées qui ne soient pas balisées, qui ne soient pas connues. Et évidemment, les adhérents du club, Los Passejai, n'ont pas le droit de concourir. Hein, si eux, ils connaissent le chemin. Voilà, ils l'ont reconnu, ils l'ont nettoyé, donc ils sont interdits de compétition, mais ils sont autorisés à être bénévoles. Bon, je me présente, je suis Michel Sartou, le vice-président du comité de randonnée pédestre de l'Aveyron. Je représente notre président Raymond Albrecht. Et à l'occasion du 16e Rando Challenge organisé par le comité départemental de randonnée, nous accompagnons le club de Rieu-Pérou qui a eu la volonté de l'organiser en amenant notre expertise et notre logistique pour réaliser cet événement et pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, donc on s'est chargé, nous, de la déclaration préfecture, des courriers au maire, aux gendarmeries, à la gendarmerie, aux pompiers, pour que tout le monde puisse s'amuser en toute sécurité lors de cette journée. Voilà. D'accord. Un petit mot, comment se porte la randonnée pédestre dans le département de l'Aveyron ? Oui, alors la randonnée pédestre dans l'Aveyron, c'est un département qui est très très fourni en sentiers itinéraires, GR, PR, GRP. Nous avons plus de 4500 licenciés sur l'Aveyron. Et lors d'une dernière étude que j'ai vue passer au niveau des offices du tourisme, la randonnée est une des priorités des touristes quand ils viennent visiter l'Aveyron. C'est essentiellement pour faire de la randonnée. Voilà. Donc la rando se porte bien dans notre département. Ça porte très très bien et notre comité est très actif et nous sommes ravis de faire partager à l'ensemble des randonneurs, des pratiquants, nos sentiers, nos itinéraires que nous balisons, que nous sécurisons, que nous collectons pour savoir s'il n'y a pas eu des modifications au niveau des propriétés privées. En plus, on s'occupe d'une veille de Suricat. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Suricat, c'est une application du ministère des Sports qui a été mise en place au niveau national et qui veut que tous les randonneurs peuvent être une sentinelle de leur sentier. C'est-à-dire si on voit qu'il y a un incident de sécurité, un mur effondré, un arbre qui est couché en travers du circuit, un problème de conflit d'usage, un problème de balisage, il y a une application sur le téléphone qui s'appelle Suricat et qui fait remonter ça. Vous faites un signalement avec la géolocalisation et le descriptif. Et il y a des administrateurs au niveau de la fédération, du comité, qui réceptionnent votre signalement et qui se chargent de prévenir les autorités compétentes pour essayer de le résoudre. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, ça va, c'est bon.